طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا عبدالقادر le dernier درس qu'on a pris concernait quelle masala, quel sujet؟ المعرفة والنكرة. طيب confine quoi, on va dire. Ah. Eh. Je le reconnais par le thème. Ça y est. Une fois qu'on a connu le Ma'alifa ou Nakira, on est entré dans quel bab? On a fait le Moumtada ou le Khabar. Et le Moumtada ou le Khabar, c'est quoi? Khabar. Là, il y a d'où le Khabar. L'information. C'est la phrase dont. نعم ايه تعالوا هناك نعم الذي يبدا باليمنى اه شو والاسم المرفوع الذي يبدا باليمنى او يبتدا بالجمله او الكلام نعم نعم جمله جمله مفيده يبدا بالجمله يعني الجمله سي Comment tu parles de phrase. J'ai fait ça. Ok, Nom. Nom. Oui, c'est un homme. Donne un misal, un exemple de jumla mufida avec un mutada et un khabar. À deux cas. Al-baytu ba'idun. Et comment on différencie entre le mutada et le khabar? C'est quoi les choses qui les différencient? Al-mutada, il y a l'alif wa lam. Al-Khaba, c'est toujours défini par un tanwin. On va dire toujours, on va dire l'origine. Ouais, l'origine. Mutada, il vient en premier. Et le Ma'alifa. Et le Khaba, il vient en deuxième. Et le Nakshara. Là, la tête d'Al-Fodo, le lion. Oups. Tamam. On avait dit quel exercice pour lui aujourd'hui ? 2 et 3 ou 3 et 4, je sais plus. 3 et 4. Taïeb. Première jumla. En fait, ces jumla-là, il faut trouver un khabar, c'est ça ? Jumla l'oula, el hajar. El hajarou, saqilun, nam. El babou. Andek Abdel Kadir. نعم الجملة الثالثة القمر عندك جميل. محمد الورق الورق الخفيفة المنديل واسخ مجد المنديل الخفيف والورق واسخ فكوا فمي منديل وسيخ ورق خفيف ومنديل وسيخ سمير واللبن حار نعم ايه Tayeb. Le quatrième, c'est le contraire. Si on a un khabar, il faut trouver le mutada. Première jumla, il dit nazifun. Fustanu nazifun. Fustan, c'est le jardin. Ah, Boustan. Ah, la robe d'après. J'ai entendu Boustan. Boustan, c'est une robe. Maksurun. Al-Koub. Maksurun. Koub, c'est le verre. Baridun. Al-Maq'adu Baridun. Mouarifa. Hein? Al-Maqad Baridun. Siège froid. Pour la place est froide. Al-Maqad. Maqad, non. C'est le lieu où tu t'assois. On peut dire banc, il peut prendre la sens de banc. Maqad, c'est le lieu. C'est un lieu où tu t'assois. C'est plus large. J'y dis. Et n'a chichir. J'y dis. Karibun. Karibun. Naam. Al-Hammamat. Al-Hammam. Al-Hammam Karibun. Ba'idun. Al-Ina'u Ba'idun. Al-Ina'u Ba'idun. Al-Ina'. Ina, c'est un récipient. Ça peut être 4 heures, ça peut être plein de choses différentes. Qadih. Ah, c'est plutôt un verre aussi ou un gobelet. Al-Ina avec Hamza. Ina'un. Naam. Tayeb. Waqifun. المريض جارث التلميذ جارث نعم تلميذ الطالب كبير السبورة كبيرة أيوة قلنا ديك المبتدا خبر ذكر دون جمبر دون جمبر دونك لا كبير إلى مذكر تحتاج إلى تظن مبتدا مذكر مفرد الشجر طيب شجر طيب لعب قديم المصباح قديم نعم لا لوب مصباح في لوب نعم جديد ومن شجر سي با فيمينا لا سي شجرة لا سي اوتور الشجر C'est un autre tueur, putain, Inch'Allah. C'est le même sens, mais il y a une différence entre Shajar et Shajara. L'un, c'est un nom de groupe, et l'un, c'est un nom individuel. Le Misbah, je ne sais plus s'il y avait un elif entre le beurre. Non, Misbah. Eh, là, t'as bon. Donc, je m'attends. Donc, moi, je me suis trompé Jalis, j'ai mis Al-Fata. Al-Fata, si, c'est bon, c'est bon. Al-Fata, tout. Là. Voilà, Al-Fata. Non, Al-Fata, Alif Maksoura. Al-Fata, où? Là, Al-Fata. À la fin, c'est Alif, il n'y a pas de haraka. Al-Fata, Fakat, maman Al-Fata. Fata, c'est le jeune garçon. Ah, donc Fata, c'est le féminin alors? Non. Al-Fata, ok. C'est quoi? Jeune garçon. Donc. Ouais, t'as jadid. Donc, Kadim, je peux pas mettre Sayara parce que c'est faible. Kadim. Al-Bayt. Bayt ou Kadim? On n'a pas déjà pris Kadim? Hmm? T'as dit Kadim, Misbah. Ouais, c'est Jadid qu'on veut. Jadid qu'on veut. Jadid? Non. Jadid. Al-Kitab. طيب كتاب جديد تروح هذا ذو عادة هيا ايه ما الكلام ذو عادة Donc après il dit que les maîtres et jadida, al-kamar, la lune, nazif, propre, kabir, grand, khafif, léger, jadid, nouveau, har, chaud, maftour, ouvert, jamil, beau, qadim, ancien, barid, froid, maksour, cassé, waqifun, debout, wasikhun, sale, sarirun, petit, saqirun, lourd, jalisun, ainsi. Après, on avait commencé à lire certains exemples de Huruf Chamsiya ou Qamariya. On a dit que le Huruf Chamsiya, c'est celle qui, lorsqu'il rentre Alif ou Lem, on ne prononce pas le Lem, mais il se prononce comme la lettre, la première lettre du mot. Donc ça fait après une Shedda, et ça fait comme s'il y avait deux fois la même lettre en fait. Comme on avait dit, par exemple, Najmun. Nun, c'est un harf shamsi, enfin tu dis an-najmu. Tu dis pas el-najmu, on dit an-najmu. Pareil, diikun, le del, c'est un harf shamsi, donc on dit ad-diku, et non pas el-diku. Rajul, rajul, l'associé, la même chose, on dit ar-rajul, et non pas el-rajul. Talibun, on dit at-talibu. Après, il vient avec d'autres exemples de Moutadad Khabar. Et ils sont tous masculins et Moufrad. Premier, il dit An-Najmu Ba'idun. Voyez, l'étoile est loin. Deuxième, Ar-Rajulu Waqifun. L'homme est debout. As-Sukkaru Huluun. Huluun, c'est sucré, on va dire doux. Hulouun. Hulou. Hé! T'as à la tabou. At-Talibu Maridun. Marid, c'est malade. Le malade. At-Diku Jabilun. Le coq est beau. At-Daftaru Jadidun. Daftar, c'est cahier. Jadid, nouveau. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru, c'est le commerçant. Ghaniyun, c'est riche. Soukar, hulun. Doux, sucré. At-tajiru ghaniyun. Chut, t'as Rani, c'est-à-dire riche. Ou alors Rani, une asma'illa, kazalik. Parti du nom d'Allah. Ad-dukkanu maftouhun. Dukkan, c'est le magasin, la boutique. Maftouh, ouvert. Al-waladu faqirun. Faqir, c'est le axe de Rani. C'est le contraire. Faqir, c'est pauvre. Ayyib, c'est pauvre. At-tufahu lazizun. Tufah, c'est la pomme. Laziz, on va dire elle est bonne, délicieuse. Nab. Après, il dit At-tabibu tawilun wal-maridu qasirun. Donc, tabib, c'est le médecin, comme on l'a dit. Tawilun, c'est grand. Donc, le médecin est grand. Et al-maridu qasirun. Le malade est petit. Mais là, kassir, c'est quoi la différence entre kassir et sarir? Ah, c'est dans la taille qu'il veut parler, c'est pas dans la taille. Sarir, ça peut être en âge, et kassir, c'est en taille. Là. Hé! T'as un lounac? Sarir, quand c'est en âge, ça veut dire que c'est jeune. C'est ça? Oui. comme Kabir Allah c'est Aïwa, mais en taille c'est Tawil. Abdel Kayoum, ta'al ou n'aka l'an. Comment ça prend la confiance là? Ta'al ou n'aka. Ta'al. Aïwa. Naam. Donc on a pris la différence entre Tawil et Kabir, et Sarir et Kassir. Mais Sarir, ça peut aussi vous la dire de petit en taille. Mais Kassir, c'est plus précis. C'est vraiment propre à la taille. Alors Sarir, c'est plus large. C'est un sens plus large. Donc il dit Tamarin, Ikra waktub ma'adabti awakhil al-kalimat. Donc maintenant, vous devez écrire en mettant les haraka authentiques à la fin du mot. Où c'est bah, c'est tous des dhamma. Et c'est tous des ma'alifa. Donc, le premier, tu dis quoi? Al-babu. Naam. Al-babu. Al-thani. التاجر نعم النجم القمر الديك الماء السرير البيت المسجد الرجل السكار ايوه السكار نعم سكار. Donc on met l'alif, on tire. Qui? La soukaro. Mais là il tire pas ici. Comment c'est? Soukaro. Et le warak, comme on dit. Le warak. Le warak. C'est quoi la différence avec celui-là et l'autre? Ça, c'est un peu plus tard. C'est comme Shajara, Shajara Toun. Et ça veut dire que. C'est la même chose, c'est la même règle. Ça viendra après, Inch'Allah. Là, c'est masculin comme ça. Hein? Là, c'est masculin comme ça. Le warak. Non. Là, c'est quoi la différence entre Asukaru et Asukaru? Hein? C'est quoi la différence entre Asukaru et Asukaru? Je connais pas Asukaru. Alif? Hein? Je connais pas. Mais c'est ça que vous avez dit en premier. Non, hein? C'est pour montrer le. Asukaru. Y'a pas d'alif? Soukar. Soukar. Aïe, ah, y'a pas de med. Soukar. Y'a pas de med. Sin, y'a deux kef et après un ra. Voyez. Maintenant on a des khabar, on veut des umtada. Ghaniyun. Annek. Allahu ghaniyun. الله غني حلو العصير العصير حلو نعم لجو جو سكري عصير عين صاد ياء راء C'est juste, c'est pas sûr. Ah, c'est juste. C'est juste. Maridun. Al-Khayyat al-Marid. Très bien, Khayyat al-Couturier. Lazizun. Lazizun. Lazizun. Taham. Ouais, Taham. En fait, je ne disais pas dire Taham, je cherche dans le Taham. Ouais, mais c'est ça que j'étais en train de chercher, mais bon. Le plat, comment on dit un plat? C'est pas le plat. Un plat, le plat. Il n'y a pas. Donc, Taham, n'importe quoi. Nourriture. Fruits, légumes. Tam, c'est féminin. Tam, c'est masculin. Masculin. Délicieux. Un toufah. Taïe, toufah ou lazil. Nam. Tawil. شجرة طويلة قصير قصير الخط السلك السلك الفيل التمر تمرته التمر aussi c'est encore pareil c'est la même règle mais j'ai dit quoi en premier j'ai dit quoi en premier T'as dit le khat. Khat, arama. Ma aslah, ma aslah. Oui, tu peux dire. Taïeb. Après, exercice 3. Ikhbar kalimatan nil qa'imal. Ba. Aïe, ouais, non. Là, c'est interrogé parce que j'ai pas les points là pour effacer. Ikhbar kalimatan nil qa'imatin ba. تناسب القائمة التي في القائمة ألف أو حمزة. Donc il faut traduire choisir un mot dans le premier tableau qui correspond avec un mot dans le deuxième tableau. En fait, tu as un khaba dans le premier tableau, tu lui choisis tu as un mutaza dans le premier tableau, tu lui choisis un khaba. Et alif et ba c'est juste pour différencier les colonnes ? Non. Donc ça, inchallah, ça va être à Filbeit. Ok. طيب في البيت ان شاء الله. Donc كلمات جديدة. On a pris حلول. طيب حلول on a dit que ça veut dire sucré ou doux. طويل ça veut dire grand. مريض ça veut dire malade. فقير ça veut dire pauvre. الدكان c'est le magasin la boutique. قصير c'est petit, court. Raniyun, c'est riche. At-tufahu, c'est la pomme. Après, il rentre dans ce qu'on ferme al-huruf al-qamariya ou al-huruf al-chamsiya. Donc, on a dit que les huruf al-qamariya n'ont rien de particulier ou al-huruf al-chamsiya, c'est celle lorsque alif ou lam rentre, le lam ne se prononce pas. Et se prononce comme la première lettre du mot qui arrive. Voyez, d'abord on commence par le huruf al-qamariya. En premier on a Yalakallah. On a le Hamza. El-Ab. Voyez, El-Ab. Ensuite on a le Ba. El-Bab. Voyez, on ne dit pas El-Bab, on dit El-Bab. Là le Lem il se prononce. Le Jim. Al-Jannah. Voyez, le lem il se prononce. Al-Jannah. Après on a le ha. Al-Himaru. Voyez, le lem se prononce. Le kha. Al-Khubzu. Voyez, le khubz c'est le pain. Donc le lem il se prononce. Le ayn. Takul. Al-Aynu. Le ayn c'est l'œil. C'est aussi le nom de la lettre. Ça s'appelle Aïd aussi. Souba, elle raïd. Tu dis par exemple, elle rada. Elle rada, c'est le déjeuner. Vous voyez, le rada, c'est le déjeuner. Et le repos au milieu de la journée. Quoi. Après, on a le fa. Tu dis, elle fem. Fem, c'est la bouche. Ensuite, on a le kof. Tu dis El Qabar, la lune. Ensuite, on a le Kef. Tu dis El Kalb, voyez le chien. Ensuite, on a le Mim. On dit El Ma. Ma, c'est l'eau. Ensuite, on a le waou. On dit el walad. Et l'enfant. Ensuite, on a le ha. On dit el hawaou. El hawa, c'est l'air. Hein, l'oxygène. Ou... C'est, Ensuite, on a le ya. Tu dis el yad. Yad, c'est la main. Yad, c'est la main. Donc, ces lettres-là sont les huruf al-qamariya. La harf, ça veut dire lettre. Dans ce sens-là, ça veut dire lettre. Vous voyez ? Là, c'est vraiment une lettre. Al-huruf al-hija'iya, c'est les huruf de la langue arabe. Et ces huruf-là qu'on vient de lire, c'est celles qui sont qamariya, c'est-à-dire que le lif ou le lem, il se prononce. Déjeuner. Le petit déjeuner. Le déjeuner. Repas au milieu de journée. Ensuite, al-huruf al-shamsiya. Les lettres solaires, comme on dit. Donc en premier, on a le ta. Donc on dit at-tajiru. Et non pas el-tajiru. On dit at-tajiru. Le lem se transforme en ta. Tajiru, c'est commerçant. Ensuite, on a le sa. Tu dis as-saubu. As-saubu. Saub, c'est le vêtement, l'habit. Ensuite, on a le del. On dit eddiku et non pas eldiku. Eddiku, le coq. Ensuite, on a le zel. On dit zahab. Vous voyez, on dit zahab et non pas el zahab. Zahab, c'est l'or. De l'or. Ensuite, on a le ra. On dit arrajulu et non pas el rajulu. On dit arrajulu. Ensuite, on a Zay, Jlis, Jlis, Zbir. Zay, tu dis Al-Zahra, et non pas El-Zahra. Al-Zahra, c'est la fleur. Ensuite, on a le Sin, tu dis Al-Samak, et non pas El-Samak. Samak, c'est le poisson. Ensuite, on a le Chin, on dit Al-Shamsu. Et non pas El Shamsu. On dit El Shamsu. Shams, soleil. Souma, ensuite, on a Sod. On dit Asodru. Vous voyez, le Sodr, c'est là, la poitrine. Sodr, c'est la poitrine. Ensuite, on a le Zod. Vous voyez, on a le Zod. Par exemple, Al-Zaifu. Vous voyez, Al-Zaifu. Ou Al-Zaif, c'est l'invité. Daif, c'est l'invité. Ensuite, on a le Ta. On dit At-Talibu. Vous voyez, At-Talibu. Ensuite, on a le Za. On dit Al-Zahr. Et non pas Al-Zahr. Al-Zahr. Al-Zahr, c'est le dos. Vous voyez, Al-Zahr, c'est le dos. Ensuite, on a le lem. On dit al-lahmu. Et non pas al-lahmu. On dit al-lahmu. Lahm, c'est la viande ou la chair. Et la viande, la chair. Et pour finir, on a le nun. On dit al-najmu. Et non pas al-najmu. Al-najmu. Al-najmu, on a pris, c'est l'étoile. Tamarin, il dit Ikra al-kalimat il-atiyata waktubha mura'iyan kawa'id al-nutq al-huruf al-qamariya. Donc, il veut que vous prononciez les lettres comme il faut et que vous écriviez ce qui mérite une shadda, ce qui n'en mérite pas. C'est-à-dire, quand c'est un harf shamsi, on met une shadda sur le harf. Et quand c'est un qamari, on ne met rien. Voyez. Bait. Comment tu dis? Al-Bait. Al-Bait. Ça, c'est un qamari. Dikun. Comment tu dis? Al-Dikun. Nam. Al-Dikun. Ça, c'est Shamsi. Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Nam. Al-Mudarrisu. Ça, c'est qamari. Baboun. Al-Babu. Al-Babu. Nam. Qamari. Talibu. نعم الطالب شمسي سكار سكار السكر نعم ففي شمسي دونك نعم من سور السين من سور الكاف السكر دفتر نعم شمسي الدفتر أخ الأخ الأخ نعم قمري رسول الرسول أفي شمسي رسول المساجي معروف وجه الوجه وجه الوجه ففي قمري وجه الميداج صديق الصادق لا يقند الصديق نعم جمعي يا مدمي لا فانا لا في شمسي الصديق في الامي لامي يقول هذا صديقي سي مون امي Pareil, donc Sahib c'est plus large que Sadir. Sahib c'est pas forcément ton ami. Ouais. Même quelqu'un qui est ton ennemi. Quand on l'attribue à toi. Par exemple, j'ai un frère, tu l'aimes pas, il vient, tiens, Dia Sahibouk. Quand tu parles de quelqu'un, il vient, tiens, Dia Sahibouk. La chose dont il y a un lien avec lui. Mais c'est pas forcément un ami. Mais souvent, ils sont pas pour l'ami. Tayyib. Coran. Al-Qur'an. Nam. قمري القرآن صلاة الصلاة نعم شمسي الصلاة كعبة الكعبة نعم كعبة كعبة يفعل الكعبين الكعبين وكعبة كعبة كيف لا كعبة لا كعبة نعم كيف لا كعبة في مكة نعم نعم الكعبة كعبة يا بطة كعبة يعني يا بطة كعب على بعض كعبة هي كعبة هي كوب donc on te dit el kaaba on sait qu'on parle de celle qui est à Mecca tu vois mais la base kaaba tout seul c'est un cube un dé tu vois ça peut être un dé c'est un cube رأسون رأسون نعم شمسي رأس la tête الإصبع الإصبع نعم هذا في قمري إصبع في الدواء tu peux dire أصبوع aussi avec un dom ça fait jam ça fait pluriel أصبوع ça c'est pas jam non c'est un مفرد ça fait jam c'est un pluriel نعم الصابون tu l'as dit نعم c'est pas grave redis-le quand même الصابون نعم ça c'est شمسي أصبوع c'est toi tu peux dire أصبوع نعم Attention à Osbourg ou à Osbourg. Si tu viens avec un signe, c'est semaine. Ouais, et si ouais, tu viens un code, c'est le doigt. Donc attention. Allah pour Ous et Inatel Habenta. Et je l'ai vu. Masjoul. Dessem Tayek Ali, Mizbir. Mizbir. Je sais pas, moi, il est طيب دونك الصابون سي لو صابون سي لو صابون طيب ظرف الظرف اي نعم الظرف سي في افون جي دي ظرف سي ظفر سي لونجل والظرف سي ان انفلوب او شوز كي Mais c'est avec une fatha, c'est pas avec une dhamma. Là, c'est zufr. Zufr, c'est un ongle. Et moi, j'avais dit zorf. Je me suis trompé. Zufr, c'est l'ongle. Là, en dessous. Après ça, boud. Zufr. C'est un ongle. Tayyib. Fajr. Al-Fajr. Non. C'est l'aube. Zuhrun. Zuhrun. Az-Zuhru. Non. Là, là, c'est la salat. D'où c'est Zohr, avec une fatha. Là, c'est qu'une dhamma, c'est la salat. C'est la synonyme de salat. Non, non. Az-Zuhr. C'est la salat. Az-Zohr. C'est le dos. De quoi c'est salat? Salat Zohr. Salat Zohr. Ah. Avant, on avait le Fajr. Là, on a Zohr. Zohr, ça veut dire quoi? Ah, avec fatha. C'est le dos. Non, mais ça, celui-là, ça veut dire. C'est le nom propre de la salat. Ah, c'est un nom propre. Et comment tu dis la salat? Salat Zohr. Non, mais comment tu dis en français? Mais y a pas. C'est un nom propre. C'est ça que je cherchais, mais c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ça ne traduit pas. Ah, ça ne traduit pas. Sahib, c'est qui? Sahib. C'est Sod, Alif, Ha, Ba. Ah, Alif. Ba, y a pas d'ya? Hmm? Y a pas d'ya? Sahib. Là. عصر العصر نعم ساسي كوموري مغرب العصر سي لافير aussi ايوه سي aussi le temps le temps نعم tout cas si zohr ça m'a mal au oui je connais pas je connais que la salat en fait طيب مغرب المغرب Ça c'est Kazalik, c'est Shamsi, Komori. Aisha Oud. Al-Aisha Oud. Non. Komori. Et si on dit Asha. Al-Asha. C'est quoi la différence? C'est le dîner. Non, c'est le dîner. Le repas du soir. Si tu mets une fatha, c'est le repas du soir. Taïeb. Enfin, c'est compris, Hulouf Shamsi en Komoriya. De toute façon, ça vous l'avez appris normalement quand vous avez appris à lire. نعم طيب هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا تستغفرك ولا تطلب